Effectivement, merci. Bonjour, donc Philippe Coutan, je suis paysan dans le nord des Deux-Sèvres. Il y a mon député qui arrive, donc je fais gaffe. Ce que je voulais dire, c'est que, donc comme moi, Sophie a bien décrit un peu le paysage dans lequel je me suis installé. Quand je me suis installé, je sortais de brillantes études. De brillantes études, et je me suis installé dans un schéma traditionnel, comme tout paysan, c'est-à-dire que j'étais installé en production laitière, où les vaches étaient continuellement en bâtiment, elles étaient nourries exclusivement au maïs. En plus, moi, j'étais un champion, je faisais de la plasticulture, c'est pour vous dire, dans l'état où j'étais. Et c'est vrai que à partir de 92, on a commencé, un certain nombre de paysans, avoir une réflexion sur nos systèmes d'exploitation. 92, c'est la réforme de la PAC. Puis c'est aussi dans nos départements une situation de sécheresse sans précédent. Et on a commencé à avoir une réflexion sur nos systèmes d'exploitation. Et à l'époque, il y a quelqu'un qui nous a aidés, c'est Bertrand Hervieux qui est ici. On a été un certain nombre à travailler sur nos exploitations et on a essayé de mettre en place des plans de développement durable. Et pour la première fois, on ne prenait pas en compte seulement l'approche économique de nos exploitations, mais les trois fonctions, c'est-à-dire le social, l'emploi, l'environnement et le territoire. Et c'est vrai que depuis, la ferme a complètement évolué, c'est-à-dire que on est toujours deux sur une exploitation, sur une ferme qui fait 55 hectares, qui est maintenant les trois quarts en herbe. Il y a pratiquement plus de maïs, ou alors c'est du maïs population, donc je ne vous ferai pas un cours sur le maïs population. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours, au bout de 20 ans, à 2 UMO sur cette exploitation, et le revenu n'a toujours fait que croître. Ce que je veux dire, c'est que les différentes crises, moi je suis devenu un libéral, en plus, c'est-à-dire que les primes PAC ne correspondent pas du tout à mon revenu, je double le revenu par rapport aux primes PAC, donc ça veut dire que je suis un libéral, je n'ai pas besoin des primes PAC pour vivre, ou très peu. Bon, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi notre conversion au niveau de l'exploitation. On n'était pas les seuls à faire cette démarche-là. On a été présents sur le territoire, on est une quinzaine de paysans à avoir une réflexion sur nos changements de pratiques, et ça a permis de faire évoluer les choses. Et on se retrouve 20 ans après, ces 15 paysans, on est peut-être une centaine à pouvoir avoir changé nos pratiques et a permis. Nadège Carambois, c'est sur notre groupe qu'elle est venue faire donc l'étude, et on s'est rendu compte que si tous les paysans du nord des Deux-Sèvres avaient changé ce type de pratique, avaient eu la même approche que la nôtre, on aurait créé trois fois plus d'emplois paysans. Donc c'est là aussi l'importance des différentes politiques publiques pour bien montrer que des changements sont possibles. Mais ça ne pourra se faire que si les réseaux, je pense que les réseaux, et le réseau tel qu'il a été mis en place par les CIVAM et ensuite au niveau de Poitou-Charentes, par Impact de Poitou-Charentes, a permis ces changements de pratiques. Elle ne peut se faire que s'il y a un certain nombre de moyens financiers qui puissent être apportés à ces réseaux pour pouvoir permettre de changer des choses. L'avantage aussi de ce réseau, c'est qu'on a essayé d'associer pas seulement des paysans, mais aussi de décorporatiser un peu ce débat. Et l'enjeu qui nous semble important en ce moment, c'est sur tout ce qui est formation. Et dans les différents conseils d'administration qu'on a dans nos réseaux, on associe en partenariat la plupart du temps les écoles de formation, parce qu'on pense que c'est là où il y a un vivier important qui puisse permettre de changer des choses. J'ai encore du temps ou... Oui, tu as encore une minute. C'est énorme. Ce qui a quand même été intéressant pour ce territoire-là, c'est qu'on a pu travailler de façon collective. Et l'importance du collectif pour permettre de changer des choses. Impact Poitou-Charentes est né après, avec l'initiative d'un certain nombre de groupes. C'est un regroupement de 9 organisations, 9 associations qui travaillent sur le développement. elle a une stratégie claire. C'est un, d'abord, éducation populaire, c'est-à-dire travailler sur comment on peut permettre à des gens de changer de pratique. Mais la deuxième chose, et l'enjeu important qu'on a, c'est que vous savez que l'agriculture connaît. En ce moment, on a une association qui s'appelle Solidarité Paysan, qui est débordée de travail. Et on doit aider, au niveau des réseaux, les gens à changer de pratique. Parce que c'est par ces changements de pratique qu'ils seront demain paysans. Alors moi, s'il n'y a pas eu d'autres questions, je laisse mes camarades continuer. Merci beaucoup.